sais pas qui elle est. Je ne sais pas d'où elle vient. Cette fille est un mystère que j'aimerais connaître enfin. Je la croise parfois dans les allées du jardin. Je l'aperçois le soir quand elle promène son chien. Cette fille-là me plaît bien, j'aimerais enfin bien la connaître. Mais comment lui dire que j'aime son sourire si bête? Ses cheveux sont en pagaille, tombent sur son pullover. Elle m'attire par son regard, ses magnifiques yeux verts. J'aimerais bien lui parler et puis lui offrir un verre à la terrasse d'un café. Mais comment faire pour lui plaire? Cette fille-là me plaît bien, j'aimerais enfin bien la connaître. Mais comment lui dire que j'aime son sourire, c'est bête. Cette fille-là me plaît bien, j'aimerais enfin bien la connaître. Mais comment lui dire que j'aime son sourire, c'est bête. Cette fille-là me plaît bien, j'aimerais enfin bien la connaître. Mais comment lui dire que